dis-moi de venir danser chez toi ce soir, de faire ensemble quelques petits pas, juste pour voir si nos dieux se parleront à demi-mot, se souviendront et s'amuseront comme des sots. Dis-moi de venir danser chez toi ce soir, de faire ensemble quelques petits pas, juste pour voir si nos cœurs sentiront le parfum du bonheur, et entre deux se trouveront l'âme sœur. Dis-moi de venir danser chez toi ce soir, de faire ensemble quelques petits pas, juste pour voir si nos deux corps se colleront comme il faut, et au bout d'un moment se sentiront bien trop chauds. Dis-moi de venir danser chez toi ce soir, de faire ensemble quelques petits pas, juste pour voir si nous déciderons de danser nus dans le noir, de nous embrasser, de nous aimer jusqu'à ne plus en pouvoir. Oh, dis-moi de venir danser chez toi ce soir, de faire ensemble quelques petits pas, juste pour voir si l'on décidera de danser nu dans le noir, de s'embrasser et de s'aimer jusqu'à ne plus en pouvoir. Oh, dis-moi, dis-moi de venir danser chez toi, de venir danser chez toi ce soir, de faire ensemble quelques petits pas, juste pour voir